la tragédie de juin 1940. Les négociations enregistrées à Rotonde avant l'armistice du 22. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Pétain avait formulé sa demande d'armistice le 17 juin et Hitler l'a d'abord fait mariner pendant plusieurs jours. L'occasion était trop belle pour lui. Ensuite, il a mis en scène les conversations préparatoires. Il a voulu qu'elles aient lieu dans un wagon à Rotonde, là où avait été signé l'armistice du 11 novembre 1918. Mais, on l'avait oublié, il a aussi fait sonoriser le wagon. L'échange inégal entre les plénipotentiaires allemands et les Français a été intégralement enregistré, et parfaitement. L'Allemagne n'est pas pour rien le pays de la voix de son maître. Plusieurs séries de disques ont été tirées de ces enregistrements. Alexandre Dolgorouki s'est servi de l'une d'elles pour documenter, dans les années 1980, l'émission « Histoire d'un jour » de Patrick Pénaud et Philippe Alfonsi sur Europe 1. Mais Europe 1 conserve mal ses archives. Des extraits d'Histoire d'un jour ont cependant pu être utilisés par Inter dès 1990. Puis fut retrouvée la série complète que le Führer, dans sa grande bienveillance, avait adressée au maréchal Pétain. 45 disques. Bruno Ledoux, collectionneur passionné d'histoire, un moment actionnaire de référence de Libération, en a fait l'acquisition. C'est la base du documentaire d'Emmanuel Amara qui fut diffusé en février 2019 sur France 5. La version écrite des négociations de Rotonde n'était aucunement un secret, mais découvrir par l'oreille leur contenu ne laisse pas de surprendre. Notre hôte dans cette émission en nouvelle diffusion sera Fabrice Grenard, directeur du département recherche de la Fondation de la Résistance et conseiller pour le documentaire d'Emmanuel Amara. Fabrice Grenard, bonjour. Bonjour, Jean Lebrun. Alors attention, les sons, on ne les connaissait pas, mais on connaissait le compte-rendu écrit. Il y avait effectivement eu des transcriptions des négociations de Rotonde, les 21 et 22 juin 1940. Ces retranscriptions toutefois étaient incomplètes. Et évidemment, avec le son, ça change tout, parce qu'on entend les voix, parce qu'on entend les émotions, parce qu'on entend les gènes aussi. Peter Lang, l'éditeur scientifique bien connu de Bruxelles, avait publié en 2003, dans un ensemble de documents diplomatiques de 1940, ses comptes rendus. On redit un mot de la situation. Les Allemands sont arrivés à Paris le 14 juin, le gouvernement va vers le sud et il y a un moment décisif, peut-être le 16 juin, quand Paul Reynaud vit ses dernières heures de président du Conseil. Oui, alors il y a deux moments. D'abord, il n'y aura pas de bataille de la Marne, désormais c'est très clair. La ligne Végan n'a pas tenu sur la Somme et Paris est occupé le 14 juin. Dans une tentative de la dernière chance, les Anglais proposent, par l'intermédiaire de Jean Monnet et du général de Gaulle, proposent une alliance au gouvernement français. La France et la Grande-Bretagne ne feraient plus qu'un le temps du conflit. Et finalement, la France ne va pas accepter. Paul Reynaud ne veut pas participer à une éventuelle demande d'armistice que préconise depuis un moment le général Végan, chef d'état-major. Pétain va, en revanche, prenant la présidence du Conseil avec l'aide de Laval, faire demander, via l'Espagne, aux Allemands leurs conditions. Et il faut dire aussi que le 18 juin, bien sûr, on pense à l'appel du général de Gaulle, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Le 18 juin, Londres avait encore fait une dernière démarche. La France peut encore aider l'Angleterre, disait Churchill. Oui, tant que l'armistice n'est pas signé, du côté anglais, on essaie un peu d'avoir deux cartes au feu. Il y a cette carte naissante, la carte de Gaulle, qui pourrait incarner une résistance française, mais il y a la carte du gouvernement français. On ne sait pas encore exactement quelle sera sa position vis-à-vis des propositions allemandes de l'armistice. Et on se dit même que si les conditions allemandes sont trop dures, peut-être le gouvernement refusera et ça accélérera son possible départ vers l'Afrique du Nord. Mais Jacques Maritain, qui était en exil aux États-Unis, disait, à partir du moment où on demande l'armistice, comment peut-on refuser les conditions qui vous sont imposées? Comment peut-on faire autrement que de dire qu'elles sont honorables? Les Allemands vont convoquer les Français, les membres de la délégation convoyés depuis Bordeaux, la capitale de l'exil du gouvernement, jusqu'au wagon historique de Rotonde où avait eu lieu, avec d'ailleurs la présence du général Weygand, bras droit de Foch à l'époque, les négociations de novembre 1918. Alors nous sommes le 21 juin. Le Führer est présent la première heure. Hein. Oui, il est là. Il est arrivé en grande pompe. Il y a sa garde personnelle aussi qui joue la fanfare. Et il assiste donc au début des entretiens. Et la présidence de la délégation allemande sera tenue constamment par le général que les Français appellent colonel général Keitel. Le général Keitel commence à lire une déclaration écrite par Hitler. Le und von den alliierten Mächten au nom du Führer, j'ai à vous faire la déclaration suivante. C'est le 11 novembre 1918, dans ce même wagon, que commença ainsi le calvaire du peuple allemand. Tout ce qui peut être imposé à un peuple en déshonneur, en abaissement moral, en souffrance humaine et matérielle, prit son origine ici. La France est vaincue. Le gouvernement français a prié le gouvernement du Reich de lui faire connaître les conditions allemandes pour la conclusion d'un armistice. Ce que vous entendez, ce n'est pas une reconstitution. Hein. C'est l'enregistrement tel qu'il a eu lieu ce 21 juin. Et la voix qu'on vient d'entendre, c'est la voix de l'interprète de Keitel. L'interprète d'Hitler. De Hitler, le docteur Paul Schmidt. Mmh. Et on a aussi à entendre plus d'une fois la voix de Keitel, qui sera un peu toujours sur le même ton. Léon Noël, un des négociateurs français, disait « J'avais l'impression d'entendre une condamnation à mort chaque fois que les Allemands me parlaient. » Heureusement, je connais c'est leur langue. Oui, c'est ce qu'il dira dans son témoignage ensuite. Keitel éructe et effectivement, c'est destiné à impressionner la délégation française, parce que tout est fait du côté allemand pour impressionner les Français et faire en sorte que cet armistice soit signé le plus vite possible. Léon Noël, c'est un diplomate, l'ancien ministre à Prague, c'est le numéro 2 de la délégation et le poste de numéro 1 ? C'est le général Unziger. C'est-à-dire un vieux soldat, il s'était illustré lors de la Première Guerre mondiale sur le front d'Orient. C'est lui qui avait en charge les armées dans le secteur des Ardennes, donc il a été aux premières loges lors de l'offensive allemande du 10 mai 40, même s'il se défaussera un peu de ses responsabilités. Et c'est l'un des plus hauts gradés après le généralissime Weygand. Mais il n'était pas question d'envoyer Weygand à cette négociation, c'était faire trop d'honneur quelque part aux Allemands. Weygand était maintenant, après avoir été chef d'état-major, au moment de la défaite, ministre de la Défense dans le nouveau gouvernement du maréchal Pétain. Deux généraux encore parmi les négociateurs. Alors il y a le vice-amiral Leluc qui représente la marine. Il y a effectivement deux généraux, Bergeret et Parizeau, et donc un civil, Léon Noël, qui représente lui le ministère des Affaires étrangères. On va entendre, nous, bien que Léon Noël a pris la parole plus d'une fois, dans ses enregistrements sélectionnés, le général Unziger essentiellement. Je ne puis pas mettre moi-même une signature sur les choses essentielles sans en référer au gouvernement. Je demande par conséquent s'il me sera possible d'en référer au gouvernement français. Dass der Krieg innerhalb dieser Zeit, in dem ja bereits zur Genüge bekommen, vous vous rendez bien compte qu'entre-temps, les hostilités continuent dans le rythme que vous connaissez. Je sais. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. sifflement d'époque. Les enregistrements en direct de la négociation de l'armistice de Rotonde. Nous sommes maintenant dans la nuit du 21 au 22 juin. La transmission a pu se faire jusqu'à Bordeaux, où est le gouvernement français, des conclusions que a décidé l'Allemagne au moment du début des conversations. Et le Conseil des ministres de Pétain va se réunir deux fois en urgence dans la nuit du 21 au 22. Oui, avant de partir pour Rotonde, le général Hunsinger a rencontré Pétain et il avait une feuille de route. Il avait une feuille de route parce que il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le gouvernement français n'est pas prêt à négocier. C'est l'occupation totale du territoire, c'est la remise de la flotte et de l'aviation aux Allemands. Voilà. Et donc c'est pour ça notamment que Hunsinger demande la possibilité d'en référer à son gouvernement, parce que il doit faire part des propositions allemandes qui, sur un certain nombre de points, ne respectent pas forcément la feuille de route qu'il a reçue au départ. Proposition, ça c'est le langage qu'ont les Français. Dans l'esprit de Keitel, ce ne sont pas des propositions. Il peut donner, aux conclusions qu'il a déjà tirées, quelques éclaircissements, pendant que les Français, eux, imaginent encore une négociation. C'est ce que dit le général Hunsinger quand reprend la séance à Rotonde le 22 juin 1940 à 10h du matin. Le maréchal Pétain a adressé hier un appel personnel très pressant au chancelier du Reich en lui demandant que l'avance allemande sur Bordeaux soit arrêtée afin de permettre au gouvernement de poursuivre sa délibération en toute diversité. Il n'a reçu aucune réponse. Il me charge de demander si on peut lui donner cette réponse. Le colonel général s'est fait remarquer qu'il est en mesure de donner au nom du Führer une réponse au moment où nous aurons reçu la réponse affirmative de la délégation française à notre accord. Alors quand vous aurez dit oui à nos conditions, l'avance s'arrêtera. C'est ça, il faut pas oublier que tout le temps des négociations, les combats continuent. L'avancée allemande continue elle aussi, notamment en direction de Bordeaux où s'est replié le gouvernement. Et les Allemands le rappellent sans cesse. C'est-à-dire, si vous ne signez pas maintenant, ce sont autant d'heures qui risquent de faire que Bordeaux sera bientôt sous le feu de nos canons. D'ailleurs, la ville a déjà été bombardée. Et c'est pour les Allemands un formidable moyen de pression, bien sûr. Alors, on va s'attarder sur quelques points nodaux. Et d'abord, la question de l'aviation, qui pour une bonne part est restée intacte. Alors, Pour une bonne part, non. Il y avait à peu près 1000 appareils en état de marche au début de la bataille. Il en reste à peu près 400 à la mi-juin 1940. Mais évidemment, pour ne pas engager toute l'aviation, on les a rapatriés dans des bases en Afrique du Nord, parce que les Allemands bombardaient les bases en France, en métropole. Le colonel général Keitel est son interprète. Il faut que la délégation française réponde à la question de savoir quelles mesures ont été prises pour garantir que pendant que cette discussion continue, l'aviation française tout entière ou des pilotes individuels ne se rendent pas en territoire non français pour pouvoir continuer de ce territoire, par exemple de l'Angleterre, la lutte contre l'Allemagne. Je peux dire, aucun avion n'est déjà parti et ne partira pour un territoire comme ceux que vous venez d'indiquer. Mais du moment que nous sommes en train de négocier la convention d'armistice, nous estimons que la loyauté doit présider à nos actions, et tant que les pourparlers durent, il n'y aura pas de transfert dont parle le colonel général. Ainsi s'exprimait le général Hunsinger. Il y a la question des aviateurs français qui auraient pu être tentés d'aller vers l'Angleterre. Il y a aussi la question des aviateurs allemands prisonniers. Et oui, à peu près plusieurs centaines d'aviateurs allemands ont été faits prisonniers, parce que quoi qu'on en dise, l'armée de l'air française s'est battue en 1940, elle était en infériorité numérique, les aviateurs se sont battus à 1-2, mais un millier d'appareils allemands ont été abattus, et donc autour de 400 aviateurs ont été faits prisonniers, et c'est un vrai enjeu, parce qu'on sait qu'il y aura des batailles ultérieures, notamment la fameuse bataille de l'Angleterre, quelques mois plus tard, et il faut que la Luftwaffe soit affaiblie. Donc si on ne rend pas les aviateurs aux Allemands, c'est une façon d'affaiblir l'aviation allemande. Donc Renault voulait que ces aviateurs soient transférés effectivement du côté des Alliés. C'est d'ailleurs un des derniers ordres, semble-t-il, qu'il ait donné le 16 juin, juste avant de démissionner, mais il n'a pas été obéi davantage dans ce domaine que dans d'autres. Oui, et cela nous montre aussi qu'il ne faut jamais oublier, même s'il n'est pas là, il y a un troisième acteur dans ces négociations, c'est la Grande-Bretagne. Parce que les Allemands craignent effectivement que les troupes françaises restantes rejoignent la Grande-Bretagne. Et donc ils font tout pour que cela ne se fasse pas, parce qu'ils savent très bien que la bataille ensuite va se continuer contre les Britanniques. Et puis en toile de fond, il y a aussi les États-Unis. Roosevelt, aux appels pressants qui lui avaient été faits mi-juin, avait dit « je fais tout, mais je ne peux pas déclarer la guerre, parce que le Congrès et l'opinion ne le permettraient pas ». Mais Roosevelt avait bien indiqué au gouvernement français, n'a cessé de le répéter, « attention, vous gardez votre flotte ». Oui. Alors la question de la flotte, dans quel état est-elle, elle ? Alors la flotte, elle est intacte. Et c'est pour une bonne part, pour une très bonne part. Oui, c'est, en plus, c'est l'un des fleurons de l'armée française. C'est la deuxième flotte mondiale, 600 000 tonnes de vaisseaux, avec des fleurons comme le Dunkerque ou le Strasbourg. Et elle est où ? Elle est essentiellement en Méditerranée. Voilà. Donc elle contrôle la Méditerranée. Il y avait une sorte de partage des tâches entre les deux première flotte du monde. La flotte britannique avait pris en charge l'Atlantique et la flotte française avait pris en charge la Méditerranée. Et les Allemands savaient très bien qu'ils n'avaient pas les moyens de lutter contre ces deux flottes-là. Maintenant que les Britanniques sont privés de la flotte française, que va devenir cette flotte française ? Est-ce qu'elle sera neutralisée ? Est-ce qu'elle rejoindra les Britanniques ? Là aussi, le sort de la guerre en dépend. Alors, l'enregistrement de la négociation de Rotonde sur ce point, c'est l'article 8 de la Convention d'armistice. Si nous laissons nos bateaux, comme vous l'avez indiqué, dans les ports français de l'Atlantique ou de la Manche, il est très possible, probable, que l'aviation britannique vienne chercher à les détruire. Nous demandons par conséquent à soustraire cette flotte dans les conditions que vous avez fixées, n'est-ce pas, pour une façon de la démobiliser, c'est-à-dire qu'il ne peut plus nuire à l'Allemagne. Et oui, le matériel allemand peut avoir des imperfections, l'enregistrement patine, le général d'une usine de guerre reprend, propose donc sa propre rédaction au nom de la France de l'article 8 sur la flotte. La flotte de guerre française, à l'exception de la partie qui est laissée à la disposition du gouvernement français pour la sauvegarde des intérêts français dans son empire colonial. Voilà. Après cela, je dis la suite. Dans son empire colonial, virgule. Après avoir été démobilisé et après avoir débarqué ses munitions sous le contrôle de l'Allemagne et respectivement de l'Italie, sera basé dans les ports français de l'Afrique. Un point. Les effectifs de chaque navire ne devront pas dépasser la moitié des effectifs normaux du temps de paix. Un point. C'est avec un extrait comme celui-ci qu'on voit le caractère assez extraordinaire quand même de ce document. Oui. On est dans le grain de l'histoire. Oui, on voit tout le pathos là. Enfin, on voit le malaise d'une tigère de gérer cette négociation, bien sûr. L'honneur exige aussi de se soucier de la protection de ceux qui, d'Allemagne, se sont réfugiés dans les premières années du nazisme en France qui doivent quand même être entendus indirectement dans la négociation. C'est ce qu'essaye de faire entendre toujours lui, le général Hunzinger. Le gouvernement français considère la clause de livraison de tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement de Reich comme contraire à l'honneur en raison de la pratique du droit d'asile. Il demande donc la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 19. L'armée allemande considère des émigrés allemands comme les plus grands incitateurs à la guerre. Ce sont eux qui ont incité à la haine et qui ont trahi leur propre nation. C'est pourquoi nous insistons pour qu'ils soient livrés sur demande à l'Allemagne. La demande de livraison se limitera à cette catégorie spéciale des incitateurs à la guerre de nationalité allemande, ressortissants allemands. Les problèmes qui se poseront à ce côté seront réglés par l'armée allemande dans son attitude et dans ses demandes, de telle façon que cette attitude et ses demandes seront conformes à la bonne réputation d'une grande armée. Alors, Nussinger insiste, devant l'opinion, comprenez-moi, c'est une nécessité pour le gouvernement français du maréchal Pétain de dire qu'il n'a pas oublié les réfugiés allemands. Je sais le mettre devant de grosses difficultés ultérieures que de ne pas vouloir évoquer la chose. Encore une fois, je ne demande pas qu'elle soit réglée, mais il faut qu'on montre que nous y avons pensé. Et je crois que je me permets de le dire ici, que vous n'avez pas intérêt à affaiblir dans aucune mesure l'autorité du gouvernement actuel, le gouvernement du maréchal Pétain. On a entendu, on passait d'un disque à l'autre. Le son peut-être de ce moment de la négociation, Fabrice Grenard. Oui, c'est un moment terrible, parce qu'on le sait, la France a été une terre de refuge pour des milliers d'Allemands qui ont fui le nazisme, de grands intellectuels parmi eux, par exemple Hannah Arendt, Ernst Kantorowicz, et qui se retrouvent là maintenant piégés, parce qu'ils risquent effectivement d'être livrés par ceux qui leur ont accordé asile, livrés aux vainqueurs allemands, et on sait très bien que le pire des sorts risque de leur être réservé. Alors, on va s'en sortir par une entourloupe, c'est ce côté ce qu'explique Keitel. On va pas arrêter tous les Allemands réfugiés chez vous, on va simplement s'en prendre aux incitateurs de la guerre. Oui, mais on sait que parmi ces Allemands, il y a aussi beaucoup de Juifs. Or, à partir du moment où l'antisémitisme nazi accuse les Juifs d'être responsables de la guerre, c'est quelque part livrer les Juifs allemands qui se sont réfugiés en France. La question va rester pendante, résolue pour l'avenir, assure le bon maréchal Keitel. Il faut savoir qu'une commission d'armistice est déjà imaginée, qui doit régler les problèmes à mesure qu'ils se poseront. C'est vrai, ce sera la commission de Wiesbaden, mais alors cette commission d'armistice sera totalement unilatérale. En réalité, les Français seront de simples spectateurs et les Allemands dicteront systématiquement leurs conditions. Et alors, à quel moment est-ce tout de suite, demandent les Français, est-ce plus tard dans le cadre de la commission d'armistice que pourrait être réglé, peut-être, le sort de Paris, dont les Français disent, mais attendez, c'est traditionnellement la capitale de la France. Le général Nussinger. Le gouvernement français demande que la capitale soit reliée à la zone non occupée par une espèce de couloir pour lui permettre de communiquer avec les territoires non occupés. Le colonel général répète qu'il est impossible de donner en ce moment-ci un engagement ferme. Le traitement qui sera réservé à Paris dépendra aussi dans une grande mesure du développement de politique intérieure dans cette grande ville comportant de millions d'habitants. Le gouvernement allemand et l'armée allemande n'ont pas le moindre intérêt à voir la situation à Paris troublée. Alors, si l'ordre n'est pas troublé par les Français, on n'a pas non plus intérêt, disent les Allemands, à avoir une armée d'occupation trop importante dans la capitale qui la fixe alors qu'il y a d'autres tâches à régler. Si, peut-être. Dites-moi, on n'a pas parlé de l'Italie, Fabrice Grenard. Et oui, puisque quelques jours plus tard, il y aura une seconde négociation pour un deuxième armistice. Parce que les Italiens ont profité de l'affaiblissement de la France au mois de juin pour intervenir. Oui, le 10 juin 1940, Mussolini, qui veut s'asseoir à la table des négociations et partager un petit peu le gâteau quelque part, eh bien déclare la guerre à la France et lance une offensive dans les Alpes, offensive qui sera repoussée par l'armée des Alpes. Et on a là une armée qui est victorieuse en juin 1940. Alors c'est une question qui est évoquée à la fin des conversations de Rotonde, et on voit le général Hunzinger reprendre un petit peu du poil de la bête, satisfait quand même que la France ait résisté face aux Italiens. Et il n'est pas question de signer n'importe quoi avec l'Italie. Est-ce que ça peut peser dans la négociation telle qu'elle est en train de s'achever avec l'Allemagne? J'ignore ce que l'Italie va demander. Vous le savez probablement, mais moi je ne le sais pas. Par conséquent, je tiens à vous dire, comme je l'ai dit déjà hier, très honnêtement, très loyalement, qu'il y a certaines conditions qui peuvent vouloir être imposées par l'Italie et que nous n'accepterons pas. En réalité, l'Italie nous a déclaré la guerre. Mais elle ne nous a pas fait la guerre. Ce n'est pas la même chose. En réalité, nous n'avons pas besoin d'armistice avec l'Italie, puisque l'armistice a commencé le jour de la déclaration de guerre. Ceci, vous le comprenez bien, est ressenti douloureusement par le peuple français. Qui a eu l'impression de recevoir un coup de poignard dans le dos. Il y aura un armistice avec l'Italie. Les Allemands offriront aux négociateurs, ce seront les mêmes, des moyens de transport pour rejoindre facilement Rome depuis Rotonde via la Suisse. Il y aura un armistice, mais quelque part, le général Hunzinger aura été entendu. Là où Mussolini avait des prétentions assez exagérées sur la Corse, la Savoie, sur Nice, eh bien finalement, il y aura juste une petite bande d'occupation le long de la frontière qui sera accordé aux Italiens à la suite de ce deuxième armistice. Ultime téléphonage avec Bordeaux, parce que le général Quetel presse les négociateurs français. Il reste peu d'heures, explique-t-il, mais Hunzinger dit, moi je ne prends pas seul la responsabilité de signer, il faut que Bordeaux intervienne. Et moi je veux avoir un papier. Bien. Pour des actes comme ceux-là, on ne signe pas simplement par téléphone. Je veux avoir un papier parce que le gouvernement français commande. Moi j'obéis. Allô? Oui? Le général Pétain. Oui, mon général. Bon. Délégation française. Ordre est donné à la délégation française. Présidée par le général Hunzinger. Présidée par général Hunzinger. De signer la convention d'armistice. De signer la convention d'armistice. Rendre compte de l'exécution. Rendre compte de l'exécution. Bien. Mon général, je vais faire le nécessaire et je rendrai compte. C'est ça. Bien. Ben, merci, mon général. Au revoir. Au revoir, monsieur. C'est quand même extraordinaire, ces enregistrements, parce qu'ils concernent aussi les coups de téléphone. L'interlocuteur à Bordeaux, pour le général Hunzinger, c'était le ministre de la Défense, le général Weygand. Le général Hunzinger disparaîtra dans un accident d'avion. Un accident d'avion, c'est ça. En 1941. Et le général Quetel sera amené à signer la capitulation le 8 mai 1945. Voyant les Français être présents à cette capitulation, il dira, il manquait plus que ça, il y a aussi les Français. Merci à vous, Fabrice Grenard, c'est Frédéric Martin qui a préparé cette émission. La réalisation, c'était Audrey Ripouille à la technique, YouTube Diego Ac Lopez.